faites un sondage comme ça, vous marchez dans la... Ça n'intéresse pas les peuples. Ça n'intéresse pas les peuples. C'est vous, monsieur Fabrice, parce que vous êtes un journaliste. Vous, vous êtes branché sur les questions. Vous, ça vous tient à cœur. C'est nous, les panafricanistes, on essaie de venir ici. Ça vaut rien. Voilà les priorités. Réformer ses propres institutions, dont les priorités du sommet. Appuyer le processus de paix en Éthiopie et au Soudan. C'est bien, c'est bien. Oui, mais après cette Éthiopie, je vous explique. Cette Éthiopie a été coopération régionale autour du barrage éthiopien et le Nil. Ouais. C'est-à-dire que là, ils vont se battre pour régler la question régionale sur les désaccords qui sont nés du barrage du Nil. Avec l'Éthiopie. C'est fondamental, déjà même que les trois pays arrivent à trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il y a des concertations bilatérales entre les trois pays. Afrique Média, le monde, c'est nous.